L'inauguration de l'école primaire des orphelins de Pyongyang a eu lieu le 5 février en présence de Cha Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, des cadres intéressés, du personnel enseignant et administratif et des enfants de l'école, des cadres des organismes du parti et du pouvoir, et des unités d'activité intéressées de la ville de Pyongyang, des travailleurs et des bâtisseurs. L'orateur a dit « L'école primaire des orphelins de Pyongyang est érigée à merveille à la suite de la crèche des écoles maternelles et secondaires pour orphelins de Pyongyang grâce à l'amour du dirigeant suprême Kim Jong-un pour la génération montante. Ainsi, la capitale réunit impeccablement toutes les conditions pour le bonheur des orphelins. Suivant fidèlement le noble dessein du dirigeant suprême, le personnel enseignant et administratif de l'école doit former les orphelins en continuateurs de notre révolution, en piliers de notre pays. Au terme de la cérémonie, les enfants se sont installés au pensionnat.